Bah, si tu te caches, je te rappelle, se rappelle ton ce que risque de t'arriver. Je te le rappelle, je te le dis, je te le rappelle. T'avais qu'à pas boire, mon pote. T'avais qu'à pas boire. Et fais voir les débats. Il écrit bien, hein, il écrit mieux en mieux. C'est bizarre. Fais voir ta feuille. Bah, monte ta feuille, Gérard. Fais voir ta feuille. Monte un peu. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas montrer que les débats ça a été écrit par Sandy, que c'est elle qui les a fait à ta place, comme la corrida par exemple, alors que tu m'as dit que c'est toi qui les avais fait? Ah, c'est pas cool. Ah, c'est toi qui as fait les débats? C'est Sandy qui a fait les débats à ta place. Elle a. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu arrêtes avec ça? Et quoi? Hein, moi, là, ça... vous me prenez personne! Si. Vous me faites chier! Vous me faites chier, Sandin! Faut qu'il s'en prenne sur quelqu'un, hein, c'est con, ouais. On était. Non! Je l'ai dit! Regarde! T'as 24 teams qui sonnent, t'as personne! Et toi? Merde! Il y a des gens et toi, t'es un menteur! Merde! Non, oh, t'as bu, regarde-moi, c'est lamentable comment tu réagis, regarde ça! Et c'est même pas toi qui a préparé les débats! C'est Sandy qui les a fait à ta place une fois de plus! Vous êtes des bons à rien! Toi aussi, t'es un bon à rien, Gérard! Bah, tiens! Et voir? On va regarder ça tout de suite. Ouais. Non, là, oui. Non, tu me laisses faire. Attends, s'il te plaît. Oh, je suis pas n'importe. Oh. Oh, bah oui, c'est une belle. Ouais. Oui. C'est qui ça? Et ça, c'est qui ça? Ça, c'est elle. Mais elle, de manière, je l'emmerde. Et je vous chie dessus. Ah oui. Ok. Ah, c'est bien. Tu me chies dessus. Très bien. Très bien. C'est bien. Tu me chies dessus. Regarde, vous êtes des bandes de connards, standard. Mais toi aussi, t'es un connard, Gérard. Toi aussi, t'es un... pas capable. S'ils sont capables. Vous êtes des incapables. S'ils sont capables. Regarde. Non, assis-toi, Gérard. Non, rigole, s'il te plaît. Laisse-le passer. Merci. Tiens, rappelle déjà ces gens-là. Non, non. Il y a des gens. Eh. Tu vas voir. Regardez l'écriture à Sandy, regardez, c'est Gérard qui a préparé le débat de la corrida, regardez. Qu'est-ce que c'est là? Regarde-le. Qu'est-ce que c'est là avec ta caméra? Qu'est-ce que c'est là avec ton manguier? Gérard! Hop! C'est l'écriture de qui? Gérard! C'est l'écriture de qui, ça? Regardez, regarde, film, c'est l'écriture de Sandy, c'est elle qui a bossé pour Gérard. L'écriture de Sandy? Elle a bossé pour Sandy. C'est bizarre. Hein? Eh ben, voilà. Voilà, il y a un auditeur qui se plaint. Qui va pas passer. Eh ben moi je me plains que c'est pas toi qui a préparé tes débats, c'est les débats de Sandy ce soir. C'était à quel débat? Ouais, c'est les débats de Sandy. Non, il n'y a plus de débat. Non, c'est les débats de Sandy maintenant. C'est Sandy qui fait les débats à la place de Gérard. Non, on arrête. Non, c'est bon, non, on n'arrête pas du tout, on va faire les débats à ta place, ouais, à la place de Sandy. Bah, sinon tu m'appelles Sandy, elle va les faire parce que c'est elle qui les prépare les débats. C'est l'écriture à qui ça? C'est l'écriture à qui ça? Oh, Gérard. Tu dégages avec ta arrête. Tu dégages avec ça! Tu me fais chier! Vous me faites chier! Oh, regarde ça, mais tu t'énerves toujours dès que t'es pas à l'aise. Dès que t'es mal à l'aise, dès que tu fais des conneries, regarde-moi ça, quelle honte. De toute façon, dès que t'es pas bien, tu gueules. C'est même pas toi qui a préparé les débats, c'est elle à la place, putain. C'est une preuve, ça, c'est ton écriture, Gérard, sincèrement? Sans gueuler? Bah, ça, c'est mon écriture. Oui, celle-là! Celle-là, c'est la sienne, et alors? Et alors? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu m'as dit que c'était toi qui avais préparé les débats, c'est même pas toi qui les prépare. Allez, bah évidemment, ça c'est la bonne excuse. Allez, dégage. Manière, ouais, dégage. Manière, ils sont pas là, qu'est-ce qu'a fait? C'est pas toi qui a préparé ces putains de débats, tu fous plus rien, tu te lèves à 16h, tu dis que ça va 13h, bien tu te lèves sûr. À 16. Alors vas-y, bosse, putain. Faites chier. Eh, dégage avec ton télescope. Oh, ça va, il fait rien, c'est bon, oh. Tu dégages, d'accord? Stop. Tu arrêtes ou ça mine dans ta gueule. Non, arrête, c'est bon, allez, c'est fini. Non, dis, tu arrêtes. Dis déjà, allez. Allez, c'est parti. C'est fini. Tu arrêtes. Arrête. Tu arrêtes maintenant. Tu l'éteins. Allez, arrête. Tu l'éteins. C'est éteint. Allez. Non.